de Maghrib. Taïb. Cinquièmement, déjà, on finit déjà d'énumérer, Inch'Allah. Cinquièmement, de temps en temps, le tasbih, de dire Subhanallah, Subhana Rabbiya Al-A'la durant al-sujud, et de dire Subhana Rabbiya Al-Azim durant le recours. Et on avait dit qu'il était, il venait les voyages qui rajoutaient Wa bihamdi, de dire Subhanallah, Subhana Rabbiya Al-Azim Wa bihamdi pendant le sujud, et Subhana Rabbiya Al-Azim Wa bihamdi durant le recours, et Subhana Rabbiya Al-A'la Wa bihamdi durant al-sujud. Sixièmement, Al-Ziyada ala al-Tasmi'a, le fait de rajouter après la parole Sami'allahu liman hamida. On avait cité les différents hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations à dire comme Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil a ma shi'ta min shay'in ba'd. Sabi'an, le septième sunna verbal, quel était? Al-du'a'u bayna as-sajdatayn, l'invocation à dire durant les deux sujouds. On avait cité entre autres le fait de dire Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, ou l'invocation qui est rapportée par Ibn Abbas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux sajda, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini wa warzuqni warzuqni. On avait donné l'explication, on avait expliqué cette invocation entre autres ce que signifiait wajburni et ce que signifiait wa warzuqni. Warzuqni, on avait dit que ça signifiait le risque et la subsistance, c'est la subsistance matérielle et spirituelle. Comme tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala les biens de ce bas monde pour vivre aisément et paisiblement, tu dois aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la science, de la foi et de la piété. Et il ne faut pas penser que au matériel, il faut aussi penser au spirituel. Et lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la subsistance, il faut que tu aies dans ta tête, il faut que ton intention, c'est de demander la subsistance dans tous les domaines. Huitièmement, on avait dit que c'était As-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud, car après le second, on avait vu que c'était un pilier de la prière, rukn min arkan as-salat. Mais après le premier tashahhud, il fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur lui. Neuvièmement, l'invocation après le premier tashahhud ainsi qu'après le second tashahhud. On avait dit que l'invocation était légiférée après le premier tashahhud mais également après le second. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela à chaque deux rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u inda kulli rak'atayn, comme il a dit, comme rapporté dans le hadith de Mas'ud, anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qala idha qa'adtum fi kulli rak'atayn, lorsque vous vous asseyez toutes les deux rak'at. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité at-tahiyyat et a dit par la suite thumma liyad'u thumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayh. Et dixièmement, la dixième sunna verbale, c'est le deuxième taslim, at-taslim at-thaniya, qui fait partie des sunan, contrairement au premier taslim qui lui fait partie des piliers de la prière. Donc de dire assalamu alaykum à droite fait partie des piliers de la prière, et ensuite de dire assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche, ou de dire assalamu alaykum ou assalamu alaykum wa rahmatullah, cela fait partie des sunan de la prière. Et à la kulli hal, ce n'est pas parce que fait partie des sunan, c'est-à-dire des choses que lorsque tu les délaisses, tu n'es pas châtié, ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Au contraire, quand tu sais que cela fait partie de la sunna du professeur sallam, empresse-toi de les accomplir et essaye d'accumuler le plus de bonnes actions possible. Non. Quand l'imam il fait le deuxième taslim et que nous on est derrière lui, quand est-ce qu'on fait le premier taslim? Quand il a fini son deuxième taslim ou bien quand il a fini le premier taslim? Allahu a'lam. Non.